Ah, mais moi, je mange la tourtière. Hé, hey, Jean-Lac, j'en sais-tu, je blasphème comme une dépourvue de tout aladage et de toute discussion. Non, mais c'est pas le temps, tu penses, de faire chauffer la tourtière avant une émission de radio, là? Jean-Luc, accote-toi sur lui. Ben oui, je te dis que ce serait peut-être le moment de se manger la tourtière pour avoir le ventre plein, puis commencer à réfléchir sur un concept d'émission qui pourrait être intéressant pour le peuple. Le peuple, hein, c'est pas le peuple, c'est le public. Ben, le peuple et le public, c'est pas la même chose. Non. Non. Non. Le peuple, là, c'est tout le monde. Le public, c'est quelques fidèles qui viennent nous chercher ici et là, quelquefois, dans nos émissions nocturnes très tard. Toujours trop tard, dans le noir du désespoir. Moi, non, pars pas là-dessus, toi. Moi, c'est. Arrête ton Michel Legrand. OK. Hey, tu vas bien voir. Une autre affaire, là. On tourne la page. Psaume 2. Hé, hey, ta tourtière est pas prête. Elle amène-la pas avec ça, toi, là, parce que tu vas me. Ah, mais moi, je mange la tourtière. Non! Attends un peu, toi. Reste dans le coin, à genoux. La tête dans le sable. Comme l'autruche. Va voir s'il y a du monde en Chine. Creuse, mon est. Creuse, mon. Hey, Jean-Luc, tu veux d'avoir d'or, fais le creuser. Pas comme ça que ça marche, c'est. Pas parce que t'as le goût de manger que tu vas manger, c'est pas parce que t'as le goût de rire que tu vas rire. C'est dictatorial, c'est. C'est comme en. Là-bas, là. Hein? On va t'en explorer de l'essence ici. Ici, c'est l'essentiel, puis c'est pas cher l'essentiel, c'est gratis. Quand c'est gratis, ça fait plaisir au peuple. En plus, c'est pas le peuple, c'est le public. Parce que le public, c'est pas le peuple. À travers le peuple, il peut y avoir quelques individus qui veulent se greffer à l'errance rénaldienne, mais c'est presque une religion, cette secte. C'est pas une secte, voyons d'autres, oui. Ah bon, moi, oui, c'est sec. Ah, oh, sec, tu veux dire? Ah oh, oui, c'est sec parce que on manque d'humidité, hein. Puis quand, regarde-moi le cheveu, là. Semaine dernière, je me suis dit que si je me mets la couronne en plastique, ouais. À 250 dans le four, comme la tourtière, ouais. Ça va friser. Regarde notre premier ministre du Québec. Lui, il se met ça dans. Ah, mon doux seigneur, je ne veux pas ressembler à ça. Voilà, là. Ça aide-tu à réfléchir? Ben, sans doute. Alors, tu vas bien voir mon grand désespoir qui domine entre nous deux. Rien à voir avec le premier ministre, là. Ça, c'est une autre histoire. Une autre page vient de se tourner. Hein, j'ai de la misère à suivre. Hé, hey, lâche, là. Laisse-toi aller. Premièrement, là, si vous êtes assis, levez-vous. Si vous êtes levé, couchez-vous. Oui, mais je suis dans ma voiture. Couche-toi. Ah, mon doux. Là, freine ton automobile. Oui. Reste immobile. Oui. Et deviens débile. Ah, mais là, c'est facile de devenir débile pendant 2 heures. Si j'écoute Errance Rénaldienne, bien, ça va t'aider. Ça va t'aider. Surtout, là, je me rends compte que je suis prisonnier de mes fils. Ah, mon... Attendez-moi. OK! Cela va-t-il? Ça va très bien. Alors, tu vas bien voir! Qui domine entre nous deux, dis-je à une chatte plus que de gouttière. Ah oui, tu sais, c'est celle qui fait rouin, t'as-tu 20 piastres, t'as-tu 20 piastres? Non, j'ai pas d'argent, moi. Sors-tu à soir? Ça, c'est la chatte. La chatte du désespoir. Sors-tu ce soir? Non, je ne sors pas ce soir. Je m'en vais, priez pour vous, chères demoiselles. Je suis pas une demoiselle, je suis une chatte. Chatte de gouttière. Alors donc, dis-je à une chatte plus que de gouttière. Soudainement! Est-ce que je peux revenir sur ton texte? Non, je crois que tout est bien écrit, là. Et que les césures et surtout les testicoli. Comment? Les torticoli. Les testicoli. Tu sais, les choses qu'il faut dire à travers les. À côté, dans la marge. Ah, oh, les testicoli. Ouais, comment t'as dit? Les testicoli. Ah, oh, comment? Les mentions de. Oui, c'est ça, les testicoli, là. pas Cali. Arrête, il va venir, il va nous chanter ça, puis ils vont nous actionner. Okay. Les Discali, toi, arrête de dire ça, tu vas être disqualifié. Oh mon Dieu. Alors, c'est, tu vas bien voir qui domine entre nous deux. Pourquoi tu dis deux? Ben, c'est pas moi qui dis, c'est le comédien qui est nul à qu'on n'a pas payé parce qu'il n'y a pas une maudite, puis il n'y a pas de talent. Oh mon Dieu. Alors, on recommence. Tu vas bien voir qui domine entre nous deux. Dis-je à une chatte plus que de gouttière. Soudainement! Et on dirait un film d'Hitchcock, hein? Les gens ont peur ici, psycho, avec le couteau, ils vont tuer le chat ici. C'est pas un chat, c'est une chatte. Ils vont tuer un chat ici. Ils vont le dépousser. Ils vont dire, oui, oui, oui. T'es malade? Oui, un petit peu. Alors donc, soudainement! Ça fait peur. Tu le crées encore? Hein? C'est l'écho. Oh mon Dieu. Il est loin? Il est-tu proche? Il va-tu nous tuer? Hey, je sais pas, ferme ta radio. Nicole, ferme ta radio. Suzanne, ferme ta radio. Soudainement! Ben oui, lâche-moi ça, soudainement. Suddenly, how we do, in the first, in the right. Hey, monsieur, c'est de l'anglais. Il est en pleine dépossession de ses moyens. Soudainement! Ah ouais, lâche-moi soudainement. Il est bon, il est vraiment, on sent l'art dramatique en lui, hein. C'est comme un possédé du démonze. Le démonze du midise. Je suis sûr qu'il va le refaire. Soudainement! C'est bon. On va l'applaudir, on le paye assez soudainement. Si tu leur dis une autre fois, on t'enlève 20$ de ton de ton guichet. C'est pas un guichet, c'est un cachet. Le guichet, le cachet, on va te cracher ça là-dessus, puis soudainement, on y enlève 20$. Ça fait peur. Il peut aller plus loin, lui, là. C'est un malade. Je sens que la tronçonneuse batteuse va nous agresser. Ça risque d'être la fin de l'émission aujourd'hui. Là. Sens-tu ça, Manicole? Ben moi, je sens plutôt que tu aurais dû changer tes bas parce que mes bas, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Soudainement! Elle me montre ses deux velcros. Qui ça, Monique? Ben non! Tu vas bien voir qui domine entre nous deux, dis-je à une chatte plus que de gouttière. Soudainement! Elle me montre ses deux velcros. Velcros. Elle gros, oui. C'est moi. Elle gros, oui. Mouette-moi donc tes velcros! Ah, mais non, moi, ça me colle. Ça me colle dessus, puis on dirait que ça veut pas décoller. Décoller, ah, mon Dieu, ça me fait penser à Ginette. Elle a jamais voulu décoller, elle. Ah, c'est une belle émission, mais dans un tunnel, c'est quand même assez humide. Ah, c'est très humide. Très humide, mais c'est désinfecté. Donc, j'ai mis de l'eau, du boléro de l'eau de Javel. Ah mon Dieu. Mange donc de la bobe. Oui, monsieur. Vous savez que Errance Rinaldienne, enlève-moi ça, Errance Rinaldienne a été exclue, censurée, pas en France, pas en Suisse, pas en Belgique, pas au Québec, mais en Allemagne. En Allemagne, la semaine dernière, la moitié des vidéos ont été extirpées de nos amis allemand. Alors, je vais leur dire un beau bonjour en allemand et m'excuser de... Là, vous allez vous demander pourquoi. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? C'est un... Il est complètement... Non, c'est vrai. Simplement parce que j'ai fait jouer une chanson de Charles Aznavour, dont EMI, la compagnie EMI, que protège Charles Aznavour. Charles Aznavour est incapable de se protéger lui-même, quoique... C'est pas vrai, Charles, il va m'actionner, lui-là. Ben oui, Isabelle, regardez, il veut se faire exclure encore de... Isabelle, mon amour. Alors, EMI, en entendant ça, avec la chanson de M. Aznavour, ils ont dit, droit d'auteur exclusif. Donc, et enlevons cette chanson! Alors, pour le moment, vous pouvez nous écouter un peu partout, là, les vidéos un peu partout, mais ça risque de se contingenter. Alors là, je viens à me demander, là, dans mon petit cervelet qui ressemble à un point vert, le monsieur de le ciel, en fait le petit poids de monsieur, est-ce que Je dois revisiter les vidéos qui seront exclues. Je vais réfléchir, mesdames et messieurs. Si vous avez une solution, écrivez-moi à renalquebec@commercial.com. Qu'est-ce qu'il dit? renalquebec@commercial.com. Il tombe dans renalquebec. Renal. RAYNALDQUEBEC. On n'a rien compris. RAYNALD, oui. QUEBEC. Les gens ne s'intéressent pas, ça t'écrira pas, ils veulent rien savoir de toi! Oh mon dieu. Alors, c'est de la censure quand même à Moscou. Pas à Moscou, ils nous captent pas. Et si oui, ça c'est un indien, mais si, virgule, on nous écoute, virgule, là-bas, virgule, bravo, virgule. Mais je vais dire un message à nos amis allemands, si vous voulez rajouter, s'il vous plaît, de l'écho. Hey, messieurs donc, amis allemands, amalgain, errance renaldienne, entendent. Je traduis. Les gens ont compris. Est une émission de variété. C'est ha ha ha. Ben oui, c'est en allemand. Tu comprends pas l'allemand, toi, là. Donc, chanson épurée à mes oreilles. Et monsieur, c'est du français, ça? Alors, oui, remerai. Répondu, il a rage, lui. Triste de savoir que vous nous excluez d'entre nous toute la francophonie, tout l'humour entier. Nous tentons d'aller vers vous, mais pourquoi clouez-nous, vous, nous voulons vous la bouche? Oh, c'est en allemand, mon doigt en allemand. An der Klein. C'est-à-dire, je cloue, OK. An der Klein, an der Bakum, an der Salbuk. An der Klein. An der Klein. Miko. Tangerin. Kahi. Ah, il est méchant, oui. Tengabrigo. Merci beaucoup. Ah, mon Dieu, le message est passé. Alors, je fais de l'angoisse. Oh non, je la dirai pas. Celle-là, ils vont m'actionner de partout. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes et pudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Sérieux. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'émission, comme vous le savez, Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Oh! Dimanche au soir! Oh, attends un peu, mon petit monsieur. On va se mettre la babine disponible pour cette chanson qui risque de nous faire plaisir et qui s'intitule Donden la bedaine. S'il vous plaît. Mes amis, le rêve du diable. Par un beau dimanche au soir, en allant me promener. Ah, un beau dimanche au soir, en allant me promener. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Pas compliqué à dire cela. Les étudiants au conservatoire d'art dramatique, Donden, la bédène, la bédène, frottez-vous la bédène. Bon. À quoi bon faire cette émission? Je l'ai dit, mais je vais le redire, je suis dans une émotion des plus bas de la bédène. Frotte-moi la bédène, s'il vous plaît. Georgette, flotte-moi la bédène. Oh. Elle lui a demandé, c'est l'été de marier. Oh. Elle lui a demandé, c'est l'été de marier. Quand elle répondit-elle, pas avec un cordonnier. Donden, la bédène, matapadali, mato, matadalu, malimato, matapadali, mato, matadalu, l'arrivée. Donden, la bédène, matapadali, mato, matadalu, malimato, matapadali, mato, matadalu, l'arrivée. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant l'engagé. Car avec son haleine, oh. Il pourrait me piquer. Car avec son haleine, il pourrait me piquer. La gamelle aussi par terre, moi tout ça mon métier. Dondaine, naridaine. Matapadalimato, matadalou, malimato, matapadalimato, matadalou, l'aridée. Dondaine, naridaine, naouidaline, fatmanadou, matadalou, matadalou, matadalou, l'aridée. Hey, je suis incapable de dire ça. Ils m'ont changé la prothèse bondaire, moi, là. Puis j'ai de la difficulté à manger des blés dingues. Crois-tu que je vais dire rondelle, la bibine, la bédelle, la bébène, la pépène, la bébène? Jean-Marie Le Pen, voyons donc, surtout Jean-Marie Le Pen, c'est un mot que je suis incapable de bidonner dans ma bouche. Ça me fait bidonner dans les intestins. Mais. Ah, c'est bon. Jean-Marie Le Pen, oh, ça me travaille. Votre itinérant engagé, Rénal Gagné. Aujourd'hui, j'ai rencontré la fin de ma vie. Aujourd'hui, en plein soleil, à minuit et 20. Non, minuit 18. La gamelle aussi par terre, oh! C'est à mon métier. La gamelle aussi par terre, oh, c'est à mon métier. Ah, bon, ce métier-là, je t'ai marié. Dondaine, naridaine, matapadalimato, matadalou, malimato, matapadalimato, matadalou, l'aridée. Dondaine, naridaine, matapadalimato, matadalou, malimato, matapadalimato, matadalou, l'aridée. Aujourd'hui, j'ai rencontré la femme de ma vie. Aujourd'hui, en plein soleil, jusqu'à minuit 20-17. Oh, j'étais dans mon salon privé. Je m'enlevais toutes les idées insensées. Aujourd'hui, le vendredi 4 mars 2011. C'est pas ça que tu voulais dire, hein? Non. Mais je m'auto-censure. Sinon, on va me placer dans l'automobile. Pressé, on va placer une brique sur l'accélérateur. On me baïonnera. Je ne pourrai pas bouger. L'automobile sera en marche. Il roulera vers une platane. L'automobile, elle roulera parce que c'est une automobile. Elle roulera vers une un mur. Et patao! Aïe aïe! Ah, pour le spécial, je me serais marié! Ah, pour le spécial, je me serais marié! Avec la plus belle fille qu'il y avait pas dans le quartier! Dondaine, l'aridaine! Matapadali, mato, matandalou, malimato, matapadali, mato, matandalou, l'aridée! Dondaine, l'aridaine! Matapadali, mato, matandalou, malimato, matapadali, mato, matandalou, l'aridée! Hey! La plus belle fille, hein, mon doux. Moi, j'en connais une plus belle fille. Et c'est toi, et plus rien. OK, aujourd'hui, le vendredi 4 mars, toutes les travestis vont s'imaginer que c'est pas toi, mon genre. Change ta paire, hey, tout tu as. Ah, bon, on te voit le cas, bon, tout seigneur. Sont pas capables de suivre. Aujourd'hui, le vendredi 4 mars 2011, l'errance rénaldienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les petits emballiots. Moi, hier, j'ai voulu emballer mes premiers emballiots, mais je me suis dit, il n'y en a pas assez. On va attendre d'en avoir davantage. Fait que là, ma jeune épouse, hein, Marina m'en avait déjà préparé, puis elle dit, j'arrive, moi, j'en ai. Mais j'ai dit, Marina, t'en as? Elle dit, oui, oui, j'en ai. Ben, amène-moi-en, parce que moi, il faut que je les prépare, hein. Ben, elle dit, ils sont déjà presque prêts. Il faut juste que t'es en pis, là, ça va tellement. Ah, les enfants vont, ah, bravo. Mais là, ben, j'ai dit à Marita, Rita! Marina, Rita, parce que Marina, ça, c'est Marina, puis Rita, mais ça, Rita, c'est la mère de Marina. J'ai dit, Marina! Et là, elle dit, qui? Tu parles-tu à Rita? Je dis, non, Marina. Elle dit, ah, c'est Marina. Ben non, oui, puis tu le diras à Rita aussi. Ben non, mais Rita est à côté de moi. OK, Marina, oui, Rita, oui. Les deux m'écoutaient, là, je me sentais comme un être important. J'ai jamais été important, moi, dans la vie, moi. Ça va bien, toi? Ah oui, merci. Ah oui. Mais là, les seules choses qui étaient importantes à l'époque, moi, là, c'était ces deux femmes-là. Puis là, ben, Rita puis Marina, moi, je me suis arrivé à un moment donné avec ça, puis ils m'ont dit, c'est un cadeau, là, c'est pas vrai! Avec la plus belle fille, gardez pas dans le quartier! Avec la plus belle fille, gardez pas dans le quartier! Elle a des soucis d'or, de vos cheveux bouclés, dans la bouche! Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame Madame. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, non, on l'a pas dit, on s'est accroché, c'est pour ça. Confions la boussole au gestionnaire de nos... Confions la boussole, je pense que c'est la fin. Confions la boussole, ça fait au moins 6 ans que c'est la fin. Ah, mon Dieu, c'est tellement la fin qu'il y a-tu un tourtière, mon espèce. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises. Ça n'a de pèse, ça n'a de pèse, ça n'a de pèse, les orises, ça n'a de pèse, ça n'a de pèse, ça n'a de pèse, ça n'a de pèse. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction, oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du créateur Yann Péchin. Yann Péchin est un guitariste et compositeur français. Il a signé quelques musiques pour mon ami Christophe Miossec, Marie-France et Chloé Mont. Il accompagnait sur scène Alain Bachung. Aujourd'hui, il poursuit son chemin artistique avec des artistes comme Brigitte Fontaine, Jacques Higelin et Hubert-Félix Thiéphaine. Maintenant, enrobons-nous en ce vendredi. Proposons-nous un ruban, un fil humaniste. Hey, humaniste, t'as-tu déjà fini ton... Ben, je l'avais presque fait, là. Veux-tu le voir? Non, c'est pas le moment. À la fin de l'émission. Ben là, on s'en souviendra plus. Ben, humaniste, si je m'en souviens plus, là, tu me frapperas le visage à coup de moineau. Oh! À coup de moineau? Oui, des petits moineaux. Pit, pit, pit. Oh, mon Dieu. Est-ce que je pourrais à coup de manche de pelle? À couche de manche? Ben, à coup de manche de pelle. Oh, bon Dieu, Seigneur. Trouves-tu, regarde-moi, ne trouves-tu pas que j'ai le visage assez abîmé comme ça? Comme ça? Non, ne trouves-tu pas que j'ai un visage assez abîmé comme ça? Ah oui, bien là, comme ça, comme tu peux le voir là. Ah, oh, j'ai pas voulu te le dire, là, mais oui, tu trouves, hein? Ben non, c'est l'évidence. Elle a des sourcils d'or, des beaux cheveux bouclés. Elle a des sourcils d'or, des beaux cheveux bouclés. Il y a d'autres aussi que je ne peux vous nommer. Oh, Dandaline, Dandaline, Madame Dalimato, Madame Dalou, Malimato, Madame Badalimato, Madame Dalou, la vie. T'es pas capable de suivre, donc, c'est vrai, donc, c'est vrai, donc. Dan. Alors, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien. Bref. Place à l'envoûtement. Et en avant la zizique. C'est bon. Attention, avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissé de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Salut Yann, j'étais plus là, ça va bien toi? Bah écoute, un peu barbouillé parce que soirée hier, un peu arrosé, repas lourd à digérer. Avec les amis? Oui, oui, bah, j'étais avec Chloé hier, avec Chloé. Oh oui, Chloé est mort? Oui, on est en train de préparer les bases du prochain album. Ok, préfères-tu être ici, être assis ici ou là? Bah peu importe. Mais parce que ici t'es plus près de la liberté, parce que ici t'es comme... Bah écoute, ouais. C'est vrai, y a pas de problème. Bah écoute, alors, c'est ça. Mais je suis très heureux de te voir enfin. Ben oui, oui, bon, c'est pas vite plus quand depuis. Ben depuis les Francopholies de Montréal, Alain Bachung. Ah oui, donc c'était il y a environ il y a quelques années de ça, quoi. Ah oui, 10 ans. C'est quoi, c'est un H3 en fait, cette ça, c'est un. C'est le Zoom, un magnéto. Oui, mais c'est lequel, je crois, depuis. Ah, ah ben attends un petit peu, on va dénuder. Ah oui, c'est le DR1, d'accord. Oui. Alors donc, c'est très bien pour ce genre d'entrevue-là. Ouais. Ça a une portée bidirectionnelle, donc même le son est clair. Vis-à-vis nous et autour on entend un peu ce qui se passe, donc d'accord, c'est très... En plus tu sais que tu es dans mon fief ici. Ben oui, mais c'est nouveau. Parce que moi en fait j'habite dans la rue. Non, c'est pas nouveau. Je viens de déménager depuis peu, mais j'habitais au 115, donc quasiment la porte okay, à côté. Ouais, ouais. Et là je viens de déménager au... Tu vois, ok. Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc j'ai ici. Mais là, faut pas dire ton adresse à la radio. Ah non, mais non. On va couper. On va faire le montage. Non, mais ça fait 20 ans, ouais, ça fait 20 ans que j'habite ce quartier-là. Moi, j'ai voulu changer, évoluer, ça fait partie de ma. Voilà, tout le monde ici, c'est mon village. Quoi. C'est-à-dire que si un euro, je suis une star, c'est là. Mais tu es une star avant tout. Je veux savoir, est-ce que tu viens de Paris? Non, en fait, oui, c'est-à-dire que je suis né à Amiens, je suis né dans le nord de la France. Okay. Mais par mes parents, mais en fait mes parents habitaient déjà à Paris quand je suis né et en fait c'est ce qu'il peut y avoir dans beaucoup d'amis comme ils étaient de cette région et que leurs enfants étaient là pour des histoires familiales, ils m'ont fait naître là-bas, mais en fait ils habitaient déjà Paris, ce qui fait que on va dire dès l'âge de 7 jours j'habitais Paris. Ok. Donc, alors en fait, je suis pas né à Paris, mais je suis parisien dans le vécu depuis toujours, quoi. Parisien du 11e. Du 11e, oui, précisément. Précisément, je suis pas, voilà, je suis principalement des quartiers, on va dire, populaires 11e, 19e, 20e, c'est-à-dire je suis de cette partie-là, c'est-à-dire Ménilmontant, Bercamp, Bastille, République, voilà, c'est plutôt toute cette partie-là de... Mais c'est un melting pot, hein, c'est le quartier populaire vivant, voilà. Je crois que les gens n'aiment pas le son, même le son de leur propre voix, ils l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu, à la télé, c'est plus... Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que... Non, je suis ailleurs. C'est bien. Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rêve, parce qu'ils partent avec moi. On est ailleurs, on oublie tout. On nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire. Tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique, la musique, la musique, la musique. Et les amis, et rigoler, rigoler. Quand on peut, il faut rigoler, il faut rire, il faut rire. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, des gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. En tonnerre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me lave de mots. Je m'essuie de poésie. Je me suis au verso de la procédure endurcie au sens, aussi propre que figuré. Résultat, l'hygiène autant narratif qu'actif va comme aussi frotte. Non, mais parce que je le dis, hein, cette émission-ci, non pas cette émission-là, mais cette émission-ci. Moi, ouais, mais celle-là, non, non. Non, ça compte, celle, non, pas là. Ici, ici, couché, couché au sol. Au sol, fais la belle. Bon, tranquille, tranquille. Bon, dodo, dodo. Pas maintenant, pas maintenant. Dans une heure et demie, OK? Tranquille, tranquille. Bon, ouvre tes oreilles. Fais la belle. Bon. Pas trop belle, pas trop belle, pas juste assez belle. Moyennement belle, OK? Bon. Là, c'est beau de dire bon, mais cherche le disque. OK, bon. Ah, sois sage. Okay, bon. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Fais pas aller la queue. Non, non, non, non, non, non. Tranquille. Coupe la queue, coupe la queue. Coupe la queue, coupe la gueule. Jean-Luc, coupe... Arrête, malade! Maintenant, attribuons la place à mon ami. Brigitte Bardot va m'appeler. Fring! Fring, ça c'est le téléphone. Fring, fring. Là, je vais répondre. Oui, allô? C'est Brigitte Bardot. Qui? Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Ça va bien, Brigitte? Ça va très bien. Et mon dos, il me semble que vous avez perdu votre accent. J'ai pas d'accent. Oh. Parce qu'on m'a dit que vous étiez. Je ne suis pas. Bon, êtes-vous Brigitte? Je suis Brigitte. Bardot? Bardot. Bon, Brigitte? Oui. Ouais, OK. Alors, qu'est-ce que vous voulez me. Ben, vous avez un chien? Ben oui. Vous voulez couper la. Ben non, c'est une blague. OK. Êtes-vous en beau? Non. OK, vous allez. Oui. Continuez à nous. Oui. OK, merci. Bye. Là, ici, ben, je pensais que Brigitte était française. Elle n'est pas française, elle est québécoise. Bravo, Brigitte. On a encore un autre. Hey, on loge tous les déréglés, nous. Réglons-nous, là, ici, maintenant. Attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. On est un grand peuple, hein. Ah, oh, mon grand. Les gens ont en moyenne 1m40. Okay, oh, mètre, oui. De mai, OK. Oui. Ah, oui. On y va. Michael. Oh, Michael. Oh, OK. On l'aime, Michael, aussi. Oh, la petite. Sentez-vous la. L'orgue. Ah, mais le... Ensemble. Oui, Rosaire. On y va ensemble. Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Non, Madame Tremblay, Rosaire vous a dit ensemble. Alors, c'est pas. Arrêtez de ricaner, soyez sages et suivez ce que mon ami Rosaire vous dit, OK? Pas les cœurs. OK, les cœurs. OK, on y va. Ah, parce que nous, je tiens à dire qu'on fait les cœurs, OK? Elle s'appelle Michael. Oh, oh. Elle est très charmante et très belle. Oh, oh. Elle n'est surtout pas trop rebelle. Bon, là, les gens savent pas s'ils doivent faire les cœurs. Ils sont toutes mes Rosaire, est-ce que tu peux recommencer? OK. Une autre chanson rythmée, ça ouais. S'appelle... Oui, promis. Okay. Michael. On y va. Merci d'avoir monté le ton. Ensemble. Tout le monde ensemble. Allez, on a parlé. Non, c'est pas les cœurs. Les cœurs. Elle s'appelle Michael. Oh, oh, oh. Elle est très charmante et très belle. Très belle. Elle n'est surtout pas trop rebelle. Jamais rebelle. Malgré ses ailes de demoiselle. Oh, oh, Michael. Oh, oh, Michael. Il y a des belles Michael ici, oui. Oh, Michael. Oh. Le Benoît encadrant son visage. Son visage. Maintenez une bouche sensuelle. Oh. Sans compter ce que tâche son corsage. Son corsage. On reconnaît la belle Michael. On est retourné. Oh, oh. Elle s'appelle Michael. Wow, wow. Elle est très charmante et très belle. Wow. Madame Tremblay, alors lâchez la sauce à spaghetti. Ouais, mais je tourne à 250. 250, ça c'est la... C'est la... C'est la chaleur de mon four. Comment ça, un four? Là? Vous mettez votre sauce à spaghetti? Non, c'est le rond. Le rond. Ben, l'endroit où il fait chaud. OK, oui. Un rond, oui, un rond de poêle. Oui, le rond de poêle. Est-il... Oui, il est. Bon, alors donc, je le chauffe, mais je dois tourner. Ben, vous n'êtes pas capable de suivre, mais un peu. Elle est surtout pas trop d'ailleurs. En tout cas, ça sent très bon, votre sauce à spaghetti. Oh, oh, oh, ensemble! Oh, là, on a dit tout le monde ensemble, puis j'ai vu des gens qui parlaient entre eux. C'est pas le moment. C'est une émission là, où on doit se regrouper. C'est comme à l'église, à la messe, où on se recueille. Recueillez-vous, Mme Tremblay, Mme Thibodeau, Mme Rita Bibelot, là. Depuis deux jours, là, vous êtes indisciplinés, puis on n'aime pas ça ici. Restez regroupés au niveau intellectuel, au niveau émotif et surtout au niveau paternarial. C'est fort! Oh, oh, en passant dans la rue le dimanche. Oh, le dimanche. Mais ici, là, nous sommes le vendredi, pas samedi, vendredi. On a tellement honte au samedi qu'on va chercher le samedi comme le vendredi. Mais le vendredi, c'est pas avant le samedi. Qu'est-ce que c'est après le vendredi? Vendredi, avant ça, il faut passer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et après, c'est le samedi. Voyant la cadence de séance. La cadence de séance. Le monde se retourne. Attention. Oh. Elle s'appelle Michael. Ah. Elle est très charmante et très belle. Très belle. Elle n'est surtout pas trop rebelle. Oh, wow. Malgré ses airs de demoiselle. Les airs, allez-y, les airs. Oh, plus fort. Vous qui avez le cœur en chômage, le chômage, venez voir Michael. Le cœur en chômage. Le cœur généreux, elle soulage les chagrins et les peines. Oh, la chanson c'est ici là. Elle s'appelle Michael. Ah, oh, ah, oh. Elle est très charmante et très belle. Elle se donne pas trop mal. Malgré ses ailes de demoiselle. Les ailes de demoiselle. Oh, Michael. Oh, Michael. Oh, Michael. Oh, Michael. OK. Oh, ça sonne le fond de tambour. Non, ça sonne le fond de tambour et on aime ça. Alors donc, là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. On aime ça. Ben, c'est toi qui le dis, là. Suzanne a fermé sa radio. Jean-Luc, oh, du Seigneur. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil. Tu parles trop vite. C'est la même chose, là. C'est un recueil de... OK, je vais t'expliquer autrement, sans le lire, OK? Tonton Rénal va choisir dans son petit panier Bukowski. Bukowski, c'est un romancier américain, mais ses origines sont russes. Alors donc, Bukowski a écrit beaucoup de livres. On a fait un de ses films, on a fait un film extrait de sa vie qui s'appelle Barfly. avec Mickey Rourke. Et puis, qui? Ben, l'actrice, là. Qui? Et donc, le couple représente le Bykowski et la fille qui l'a accompagné pendant toute sa vie. Ben, pendant un moment de sa vie. Et puis donc, c'est ça, là. Et puis, à un moment donné, ce gars-là, c'est un écrivain avant tout, un poète, un dramaturge, un être qui cherche l'absolu à travers les mots. Et je vais lire la première phrase d'une de ses nouvelles et je vous balancerai après ça le titre de la nouvelle qui a peut-être sans doute aucun lien avec ce que je vais improviser, mais c'est de l'impro. Alors, la première phrase, c'est « Monk entra ». Monk, là, c'est comme « Tell Unis Monkey ». Tell Unis Monk. Oh, le pianiste. Ah, c'est un bon pianiste, hein? Tell Unis Monk. Oui, mais là, Monk entra. Ouais, mais là, j'avais averti Monk de pas rester tout seul. Là, ce gars-là choisit ce qu'il veut, hein? Puis il me disait. Je le sais plus, moi. Puis là, moi, je lui ai dit, moi, je le sais. Je le sais, viens-t'en, on va aller voir un beau film. On va te raconter des belles histoires à travers sur la surface écranique, devant un assemblé qui sera à l'écoute de ce que le réalisateur voudra. Alors viens! Je ne sais plus, moi. Ben, je sais, tu vois pas très bien, m'en manque. Mais s'il te plaît, suis-nous. On est à New York. C'est New York. On n'est pas à New York, on est à New York. Ah, ben, c'est laid, hein? À New York. Ah, c'est laid, New York. Ah, c'est mieux New York. On est à New York, on est à New York, okay? C'est beau New York, on est devant des statues, la statue de la liberté à New York, puis là il y a des rues à New York, il y a des voitures à New York, il y a des taxis à New York, puis il y a des polices à New York. Je sais plus moi. Ouais, moi non plus, hein, c'est vrai, on va mettre ça ailleurs, hein, on va mettre peut-être à Londres. Hey, à Londres. Nous sommes à Londres. Ah, oh, c'est beau, Londres, hein? Ah, moi, c'est brumeux. C'est brumeux. C'est humide. Ah, hein? Oh, mon Dieu. Il y a la reine Élisabeth. Oh, c'est... Mais... Je sais plus, moi. Moi non plus. Hey, non, Londres, c'est pas une belle place. Voilà, là. Oh, en Allemagne. Hey, c'est en Allemagne. L'émission Errance canadienne est bloquée en Allemagne, hein? Savais-tu, toi? Je sais plus, moi. Moi non plus, je sais plus, mon Dieu. Je suis perdu. Fait comme un oiseau. La vie est pure et l'eau fraîche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, un oiseau, d'aller plus bas. Ben plus bas, on va aller au Canada, plus bas que le Canada, il n'y a rien de plus bas que le Canada. On va aller à Vancouver, Vancouver, Vancouver. Ah, on dirait que j'ai des mots de cœur. Vancouver. On y va à Vancouver. Alors, qu'est-ce qui se passe à Vancouver? Il y a des gens à Vancouver. C'est des Vancouveriens. Alors, plus... Hein, bonjour, monsieur. Vous venez? Je viens de Vancouver. Ouais, vous êtes francophone? Ouais, mais je suis un francophone de Vancouver. Ah, on vous a découvert à Vancouver comme étant francophone? Vous avez resté là? Non, je suis reparti. Je suis parti pour aller vivre à Québec. Oh, ça, c'est beau, Québec. Ah, une belle ville remplie de beaux mondes, de belles personnes, des gens intelligents, des gens plus que brillants. C'est la manne. C'est l'endroit où il faut vivre. C'est vraiment la figure emblématique de la francophonie. Ah, oh, c'est dément. Je sais plus, moi. Mais voyons donc, ouais. Doute pas, je te le dis. Hey, il y a Québec. Après ça, ben il y a tout là en Europe. Tu peux aller en Europe, à Paris ou à Paris pour être in for être English, hein. Putain in English. Or not English, or not francophone. Moi not francophone, moi francophone. Francophone Québec. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français au Québec, hein, mon Dieu. Hey, ils se sont. Ils doivent avoir des primes. Je sais pas qu'est-ce que. Hey, on est noyés de Français. On est heureux, on aime ça. Les Français anglophones, on les laisse à bon week-end. Pas le week-end, c'est la fin de semaine. Puis même, il y a des tics nerveux du Québec. Il y a des petites personnes de Québec qui disent bon week-end. Ben voyons donc, c'est la fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bon anniversaire, pas Happy Birthday. Happy Birthday. Voyons donc, la Happy Birthday. Ben moi, je le sais, c'est pas la Happy Birthday. Bon, je te le dis, manque, là. Tu manques un peu de désespoir. Si tu pourrais, on peut-tu lui amener la croix? Pas la croix, mais la corde. Ah, mon Dieu. Le titre de la nouvelle de Bykowski, c'est La Dame Torride. La dame. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe fort. C'est merveilleux ce que tu dis, mais je voulais dire avant que la dame Torit est un mec qui l'a écrit, Charles Bukowski. On peut y aller là. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Oui. Ça me prend les jours fériés quand j'y sais d'accord. J'aurais pas dû ouvrir à la rouquine car l'élite. La mère sup m'a vu venir, tu avais mis un kit. Y'a dû avoir des fuites. Des fuites. Y'a dû avoir des fuites. Des fuites. Mes circuits sont niqués, puis y'a un truc qui fait masse. Cours, on peut plus passer, non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Je veux le feuilleton à la place. Chapitre. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je vais me découper suivant les points, les pointillés. Désir fou quand rien ne chasse. Le cœur grandit, reste sourd au cri du marchand de glace. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Je veux le feuilleton à la place. Vertige de l'amour. Vertige de l'amour. Mon légionnaire attend quand le chante. Et la tranchée vient d'être aux pattes. Écoutez, si ça continue, je vais me découper suivant les points, les pointillés. Yeah. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle claque dehors. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle claque dehors. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ok. Tu veux que je te chante la main? L'exemple, cette envie de vivre. Cette envie de vivre. Vertige de l'amour. Vertige de l'amour. Vertige de l'amour. Vertige de l'amour. Mais en fait, les rencontres avec les artistes, c'est des histoires. Mais sinon, c'est des histoires et c'est souvent des choses que j'ai. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais. C'est la vie, quoi. C'est le karma. C'est des choses qu'on décide. Tu crois au karma? Oui, je pense, ouais, quand même, ouais, ouais, ouais, parce que je crois qu'il y a des choses, c'est pas hasardeux, quand même. Je crois au karma et je crois aussi ce qu'on a construit. Je pense Mais je pense que le fait d'avoir fait des choix, des moments artistiques, de prendre des risques, comme j'ai fait dans les années 90, d'arrêter de faire beaucoup de disques de variété qui me rapportaient beaucoup d'argent, de refuser des choses, des artistes ou des choses comme la Star Academy, comme musicien, comme ça, j'ai refusé. On t'a demandé de faire la Star Academy. Bon, comme musicien, oui. Attendez, mais j'ai refusé. Ok. Voilà. Mais oui, j'ai refusé plein d'autres choses et je vais pas. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi des risques. Parce que moi, c'est des risques que j'ai pris parfois où je prenais le risque de me retrouver avec rien du tout. Ouais, c'est ça. Donc je pense que vraiment, quand on prend ces risques-là, ben, au bout d'un moment, on développe une identité et puis au bout d'un moment, ben, travail d'artiste, l'intérêt, c'est après de développer une personnalité, qu'on soit appelé pour ce qu'on est et non pas parce qu'on a besoin d'un guitariste. Ah, et voilà. Moi, c'est ce que je dis à beaucoup d'artistes, à beaucoup de gens et maintenant, c'est plus pratique comme ça. Je dis, si vous voulez un musicien copiste qui vous joue l'album à la note près et qui vous dit, prenez n'importe quel guitariste, il le fera beaucoup mieux que moi. Un copiste, un mec, quelqu'un qui joue juste, qui fait juste son travail, moi ça m'intéresse pas parce que si je peux pas créer, je m'ennuie. Et je dis, et donc ça, je vais pas le faire bien parce que je vais m'ennuyer. Toi, tu vas avoir un espace pour. Pour créer. Pour partir. Pour créer. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des choses, j'ai joué avec des artistes, il y a des limites quand je joue aux Eaux-Joséphines avec Alain programmation, on est obligé de jouer The Jeffin comme le morceau, vu que c'est un standard. Oui. Mais par contre, à côté de ça, il y a toujours des libertés. De, voilà. Oui. Et moi, si je me retrouve avec un artiste, on me dit, ben voilà, tu dois jouer comme ça, début à la fin, les parties sont comme ça, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais. Parce que je suis pas la personne. Mais généralement, les gens ne m'appelleront pas pour ça. Les gens, moi, les gens qui m'appellent, s'ils m'ouvrent les pistes, ils me disent, bon ben, fais-nous. Fais-nous du NPCHA entre guillemets, quoi. Parce que, ben voilà, c'est. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est. Du Bronx. Il est évident donc que c'était mal barré. pour moi. You're under arrest, cause you're the best. Slip in the slam, ba-boom, bam, guns borrow. You're under arrest, cause you're the best. C'était deux polices plaques qui pratiquaient le slang ainsi que Colt Cobra. Il me plaque au mur du bronze. Je défie quiconque dans ce cas de ne pas avoir les foies. You're under arrest, cause you're the best. You're the best. Slip and a slam, boom, ba bam, bam. En écoutant cette émission, deux alternatives s'ouvrent à nous. Soit que l'on croit au génie. On croit pas, on croit plus, ok, on est perdu. Pardonnez-moi. C'est pas ce qu'il fait, on sait pas. En écoutant cette émission, deux alternatives s'ouvrent à nous. Soit que l'on crie au génie. Ou soit que l'on crie au canular intellectuel. Dans les deux cas, on crie. Cette semaine, et ça jusqu'au épuisement du concept, hey! On vient de perdre. Oh non! Ben oui, on a perdu deux auditeurs. On a perdu Guylaine Tremblay. Ah! Oh! Pas la belle Guylaine, non, l'autre Guylaine. Ah, oh, mon Dieu, pas les... toutes les Tremblay, sauf un. Joachim Tremblay. Ah, oh, ben oui! Oui, je tiens à dire, mon petit bizarroïde, que j'ai planté mon chêne au creux de mon champ. C'était ma chamane, que Pandora, je m'appelle, j'ai planté mon chêne au creux de mon champ. Pandora, je m'appelle, Pandora, je m'entends. Ça va bien, vous? Ça va très bien. Je comprends pourquoi vous nous écoutez. Parce que je suis complètement avec vous. Dans le délire. Dans la compréhension d'une chose étrange. Oui. Que l'on appelle. Oui. Que l'on appelle. Oui, appelez-les-le. On va appeler les. Cette semaine, ça va bien, vous? Ça va très bien. Soyez sans gêne et criez-moi! Cette semaine... couchez-le, moi, monsieur. Moi, là, quand il me restera plus qu'autre chose dans mon frigidaire... Comment? Quand il me restera plus rien dans mon frigidaire... Oh, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, je sais pas, mais je vais manger une carrière. Oh, attention! Quand il me restera quelque chose dans le frigidaire... Je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y'a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma rosalie, on mettra les verres sur le pain. Mais là, je tiens que le pain soit tranché sur le sens du poil et que le beurre soit étalé sur le sens de la jouissance. Et bon, tout seigneur. Cette semaine, on m'a demandé de faire le radioton, puis on m'a dit, fais ça cool, fais ça relax, fais ça normalement, là. Fais une émission là, que tout le monde pourra entendre, puis sans se dire, hey, on ne me donne plus une scène à cette émission-là, à cette radio-là, non. Je serai calme. Je veux dire bonjour, puis je veux dire merci, puis je veux dire à la prochaine, puis je veux dire il est maintenant, puis il fait maintenant, puis donner de l'argent, puis merci beaucoup. Mais oh, oui, moi, je suis très bon là-dedans. Moi, je suis très bon. Moi, on me dit, là, fais la belle et je fais le beau. On me dit, t'es le belle et je suis de beau. On me dit, gabelle, je suis gabeau. Et je me rebelle et je me rebeau. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on dit pas? On dit pas ça. Cette semaine, je m'excuse. Je me fouette moi-même. Aïe donc. Aïe donc. J'aime ça. Aïe donc. Cette semaine, et ça, j'y suis. Puis, yaoué donc. Jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Hey, j'ai lu ça sans regarder mon texte. Je suis comme... un comédien, un Jean qui rit, un Jean qui pleure, un comédien joue du bonheur, joue du malheur. Oiseau de malheur, oiseau, oiseau, oiseau, oiseau, oiseau. Mais le mot, c'est pas oiseau, c'est direct. Direct. Ça dépend quel direct que tu reçois, hein. Sans blague. Quand on dit, tu vas faire une émission en direct. Une émission en direct, il n'y a pas trop de problème, il y a un petit stress. Mais quand on ne te le dit pas et que tu reçois un direct de droite d'un boxeur chevronné qui a gagné 3 championnats mondiaux puis qui te donne un direct de droite. Aïe, aïe! Hein? Ça fait plus mal qu'une émission en direct. Ça fait plus mal qu'une chanson faite en un seul jet, sans arrêt, avec les musiciens en direct. Il faut quand même conceptualiser tout ça puis essayer de dire, ben écoute, moi j'ai peur là, de la faire, l'émission en direct, là. Puis là, couper tout ça, là, je pense que ça serait peut-être bon. Puis si je dis bonjour, là, ça serait peut-être pas un bon bonjour. Il faudrait que je reprenne le bonjour 3 fois. Mais non! C'est quoi comparativement à un direct de droit lancé par un champion mondial, que ça fait mal! J'en ai reçu 3, moi, là. Aïe, aïe, donc. 3, là, mais 3 pas à peu près. Le monsieur s'était reculé de 20 cm. Puis s'était tiré le bras de 45 cm. Puis là, je l'ai pas vu arriver parce qu'un droit, hein, un coup de droit venu d'un champion mondial, ça fait mal. À Pachon, aïe aïe! Aïe aïe! Mes yeux sont dans le miroir où je les ai laissés. Je me reconnais même plus. sur les photos. Je comprends pas vos questions, je comprends pas vos prisons. J'en fais prendre de cachets dans leur cachot. Je m'assois sur un petit cul que j'ai pas touché. Je voulais ça comme ça, faut pas le prendre de haut. Où vous voulez, chinerai, mais faut m'expliquer. J'ai pas bien lu scénario. Je me souviens d'une autoroute coupée en deux. Pas vu le panneau, je fermais les yeux, toujours sur la ligne blanche. Toujours sur la ligne blanche. Toujours sur la ligne blanche. Toujours sur la ligne blanche. Dans le miroir où je les ai laissés, je me reconnais même plus sur vos journaux. Comment s'appelle cet endroit? Je me suis perdu, je reconnais pas. J'ai pas bien lu scénario. Je me souviens d'une autoroute coupée en deux. J'ai pas vu le panneau. Je fermais les yeux, toujours sur la ligne blanche. Toujours sur la ligne blanche. Toujours sur la ligne blanche. Toujours sur la ligne blanche. Si on te dit demain, on t'offre un budget, tu peux faire un album, ce serait dans quel style? Du punk, du rock, du progressif, de l'alternatif, du planant? Moi, j'aime bien mélanger un peu tout à la fois, c'est-à-dire que... Mais en plus, les critiques vont dire que tu vas partout, donc il faut peut-être une ligne médiane. Je sais que... Ouais, tu te fous des critiques, sans doute? C'est pour ça que je me sentais proche de Bashung aussi, parce qu'on pouvait pas l'enfermer dans un style. Voilà, et je trouve besoin de... Mais je pense que si je fais un album, je dirais... Moi, c'est marrant, autant quand je compose chez moi, c'est vraiment des titres de songwriter, c'est-à-dire que ça reste quand même assez folk, assez... Bob Dylan. Ouais, mais par contre, dès que j'arrange autour, je n'hésite pas après à mettre des climats, à mettre des choses, parce que d'un côté, j'aime les songwriters, et de l'autre côté, j'aime toute la musique, atonale, contemporaine, j'adore Brian Eno, j'adore John Zorn, voilà. C'est-à-dire que moi, d'un côté, j'aime tout ce qui est la musique roots, c'est-à-dire j'adore la country, j'adore tout ce qui est le rockabilly, j'adore tout ça. Et de l'autre côté, je suis un grand fan de Robert Fripp, d'Adrian Belew, de Brian Eno, de tout Arthur Lindsay, de tous ces gens qui font des musiques très atonales, très bruitistes, très... Et donc moi, mon idéal, c'est de pouvoir mélanger les deux à la fois. Ok. Ce que faisait d'ailleurs Alain aussi, tu vois. C'est vrai, effectivement. Et moi, c'est-à-dire que c'est ça, j'aime les extrêmes. Je suis un grand fan de gens comme Moondog, je sais pas si tu connais. Oui, J'aime beaucoup la musique répétitive, j'aimais beaucoup aussi le travail de Brad Wayneo sur les albums de Talking Heads, des gens comme ça. J'aime l'idée du chaos, c'est-à-dire d'avoir par exemple quelque chose de très... sur quelque chose de très mélodique, de créer un chaos sonore. Où tu peux partir. Voilà, mais vraiment de casser les lignes harmoniques, de faire quelque... Et ça, j'aime bien l'idée que tout d'un coup, si quelque chose est très simple, de pouvoir le bousculer. Et par contre, si on a une musique très complexe, de la rendre audible et de mettre des mélodies très naïves qui vont tout d'un coup... J'aime bien l'idée de faire rencontrer les deux extrêmes. Quelque chose de vers le public, en même temps, la reculer, oui, et la déstructurer. J'aime bien confronter les choses. Ah ouais, ouais, ouais. Se mettre des idées en confrontation qui au départ sont pas faites pour aller ensemble. Le quotidien saigne. Le quotidien saigne. Sous l'enseigne du règne qui signe un recommencement perpétuel jusqu'au moment où l'aile se casse et le vol se planque le nez vers la mort. Alors, le quotidien saigne. Sous l'enseigne du règne qui signe un recommencement perpétuel, jusqu'au moment où l'aile se casse et le vol se planque le nez vers la mort. Les rances rénaldiennes, complices de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Le moment s'invite à nous. Oh, moi, on s'imaginait qu'on était en plein recueil. On se reconnaissait, là. C'était un... On reconnectait avec... avec quoi? Ouais, avec le dissemblable. Voyons donc le dissemblable. Enfin, j'espère, hein? Ben, j'espère que oui. Et vous, croyez-vous que... Enfin, j'espère, hein? OK. Alors, le moment s'invite à nous. Croyez-vous qu'il s'invite à nous, hein? Enfin, j'espère, hein? OK. Pour un élan... Il recommence. Le moment s'invite à... On dirait que tu fais affaire avec des gens. Tu fais... Moi, je fais affaire, moi. Je fais des affaires avec du monde qui n'ont pas des affaires à se faire faire. Parce que quand on se fait faire, on n'aime pas se faire faire. On se fait faire une fois, mais pas deux fois. Parce que lorsqu'on se fait faire une fois, on ne veut pas se faire faire deux fois. Croyez-vous à ça, vous? Enfin, j'espère, hein? Ben oui. Alors, le moment... Le moment... Un moment s'invite à nous. Ramasse ta langue, mon Raoul. Colle pas ça sur le micro, sinon ça va faire un court-circuit, puis tu risques d'aimer ça. On le sait, hein, ces gens-là, hein. Vous savez comment c'est, le show business? Enfin, j'espère, hein. Ben oui. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amène, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane. Ariane, vas-y, Ariane. Ça va bien, Ariane? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Merci de vous. Merci à vous. Merci de vous. Merci à vous. Vous êtes, je suis, vous êtes, nous sommes. Oh, oui, oui, vous êtes. Nous sommes heureuses. Oh, mon Dieu, vous êtes heureuses. Hein, je vous vois. Merci d'avoir mis quelque chose de bourgeonnant, de poulmonnant, de mourmonnant, de si... Oh, merci, là. Ah, vous êtes le... Hein? Enfin, j'espère, hein? Ben oui, toi. La nuit, ça... là, les gens n'ont pas suivi, ils ne savent pas ce qu'on va faire. Non, c'est pas les gens, c'est toi, mais c'est moi. Moi, c'est les gens, c'est moi. Moi, c'est les gens, c'est moi. Moi, c'est les gens, c'est moi. Moi, les gens, moi, c'est pas Jean, moi, c'est Rénal. Ah, mon Dieu, Rénal qui... Ah, oh, ben là, je suis gêné, là, de dire mon nom, mon prénom et mon numéro d'assurance sociale. Allez-y! 127-233-95-28-227. Votre numéro de passeport, hein, mon Dieu, mon passeport. Je prends mon passeport. Il est tout à côté de moi, toujours à côté de moi, mon passeport. Parce que je veux toujours partir. Ben, tu pars souvent? Oui, je... Merci, oui, je pars régulièrement. Mon passeport, si vous regardez à la caméra, c'est mon passeport. Zoom 11 sur le passeport. Ben là, les gens ne voient pas là, si on zoom. Mais si vous regardez sur Internet et puis nos vidéos, vous verrez que je zooms. Alors ça, c'est mon passeport. Ça, c'est ma gueule, si vous voyez. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Mais où elle est, ma gueule? Elle est là, ta gueule. On ne veut pas la voir, ta gueule. Oh, il zoom sur ma gueule. Hé, monsieur, ça, c'est moi. Et c'est vous... Si vous me voyez sur Internet, regardez la vidéo, ça vaut la peine. Vous allez voir ma gueule de passe-pars. Et monsieur, on dirait un prisonnier de la Catraz. Ils t'ont passé aux douanes, ils m'ont passé aux douanes, ils m'ont fouillé au niveau de quoi? Au niveau de la radiophonie, là, parce que je suis un gars de radio. Oh, ils t'ont ouvert, ils m'ont ouvert. Et puis, aïe, aïe, donc. Et puis ensuite, j'ai dit de recommencer parce que c'était la belle Elicia Rabon. Oh! Elicia Rabon était à sa première journée. Et puis, on lui avait demandé, c'était un gag pour tous les gars, là, de m'ouvrir là. Ah, puis de regarder. Puis d'en rendre. Oh, mon Dieu! Moi, j'ai dit, vas-y, encore! One more! Là, maintenant, qu'est-ce que tu dis? Voyons, non, c'est le passeport. Il voulait me sortir le passeport par le... Oh, mon Dieu! Le moment s'invite à nous. Ça sera pas comme... Je vous le dis, là. Au Radioton, je serai sage comme une image. Quelques fleurs, je pleurerai, je râlerai. Hey, on va lui couper de l'eau, lui! Oh, merci. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec Sophie Lariane. Sophie Lariane, c'est... La nuit admire le séjour du jour sur la scène quotidienne du temps. Oh, hey, là, il faut mettre de la réverbération, c'est beau. La nuit admire le jour du jour. Comment? Non. La nuit admire le séjour du jour sur la scène quotidienne du temps. La nuit admire le jour du jour sur la scène quotidienne du temps. Temps. Temps, temps, temps. La nuit admire le jour du jour sur la scène quotidienne du temps. Temps, temps, temps. La nuit admire le jour du jour sur la scène quotidienne du temps. Mais avec le temps va, tout s'en va. Même nos plus chouettes souvenirs s'atteignent de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Et le samedi soir, quand l'errance rénaldienne est passée, moi je me dis, j'espère que la prochaine sera encore meilleure. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie nos passions et on oublie les fois quand tout s'est bien produit. Pourquoi pas ce soir? J'espère que dans les avec le temps. Shut up already. Avec mon impoli, avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. Et puis toi, tu t'effaceras, si je le veux et si tu le mérites. Parce que même si tu es le prince, je m'efface. Shut up already. Damn. Tell me who in this house know about the quake. I mean, really, really. If you know how to rock, say yeah. Yeah. If you know how to party, say oh yeah. Oh yeah. But if you ain't hip to the rare house quake, shut up already. Damn. House quake. Everybody jump up and down. House quake. Oh, there's a brand new groove. Quake. Bullshit! You can't get up until you make the house shake. Now everybody clap your hands, come on. Let's jam, y'all. Let's jam. Don't wait for your neighbor. Green eggs and ham. Doing the house quake. There's a brand new groove going round. In your city, in your town. House quake. And the kick drum is the ball. House quake. House quake. You gotta rock this mother. Gotta rock this mother. House quake. House quake. You gotta rock this mother down. Come on. Bullshit, loud and sad. House quake. Woo! Shaka laka. Boom. What was that? Shut up already. Damn. Avec qui tu aimerais travailler éventuellement? En France ou... Ben, n'importe où. Ah, ben moi, j'ai mes rêves. Je rêverais de travailler avec David Bowie. OK. Voilà, ça, c'est partie des gens. J'adorerais travailler avec Brian Eno. J'aimerais... Après, ben, Bob Dylan, Neil Young, des gens comme ça. Okay. Voilà. Et puis, beaucoup de musique. Voilà. J'aime aussi l'idée de faire des... je fais beaucoup de projets, c'est-à-dire je travaille souvent sur des performances avec des peintres, avec des... Ok, oui, oui. Parce que je suis très sensible à la peinture. Ok. Et je... Alors c'est tout direct, toi tu joues de la musique et eux vont... On échange. Ok, ouais. À quel endroit ça? Parce que ça existe à Montréal, au Foufoune Électrique. Bah là on a fait ça à Studio Plus, qui est un lieu parisien. Ok, ouais. Ça. Et j'ai fait d'ailleurs, il y a un court-métrage qui est présenté sur des festivals CT qui s'appelle Palette Électrique. Palette Électrique. Tu as peut-être vu sur mon Facebook, il y a la présentation. Ok. Qui est un métrage qui est en fait un portrait qui a été fait par Ivan Stutzel, qui est un réalisateur, okay. Où j'explique mon parcours et je fais et à la fin je fais une performance avec une peintre. Est-ce qu'on peut l'avoir sur Internet? Sur mon Facebook. Non, mais est-ce qu'on peut se le procurer en DVD? Pas encore, parce qu'il n'est pas encore publié, mais on peut y accéder, c'est-à-dire qu'il y a sur mon Facebook, sur la page Facebook, sur la page d'Ivan Stutzel, ça s'appelle Palette Électrique, okay. Un portrait de Yann Péchin, film d'Ivan Stutzel, on le trouve sur le net. Mais Yann, je tiens à dire, est-ce que tu accepte tout le monde qui vont t'accepter à partir de maintenant sur Facebook ou si tu as un YouTube ou pas YouTube mais un MySpace. T'as-tu un MySpace? Non, je n'ai pas de MySpace. Alors là, si plusieurs Québécois veulent se brancher sur... J'ai mis l'ami, hein, je suis plus un prêt. OK, alors Yann Péchin. Moi, c'est simple, c'est-à-dire que j'accepte tout le monde sur Facebook. Par contre, après, si ça devient du harcèlement, je fais du nettoyage parce que j'y vais, j'écoute les messages, je suis très touché. Ouais. Moi, je pars du principe que soit j'accepte tout le monde, soit j'accepte personne. Et après, voilà, choisis. Tu fais comme Alain Bachung, dans le fond. Tout le monde est bienvenu. Si par contre, après, je sens qu'il y a de l'abus. S'il y a de l'abus, bon, je fais comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire que moi, je veux dire que mon espace est ouvert à tout le monde. Oui. Après, aux gens de savoir. Comment utiliser cet espace-là. Et puis comment respecter la place de tout le monde. Oh, c'est-à-dire que si tout d'un coup, quelqu'un m'envahit le mur, m'envahit tout le temps, je m'en sépare parce que je trouve que c'est un espace pour tout le monde. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Thank you. Encore et encore, plaçons les pendules à l'heure. Repassons. As-tu marqué, Jean-Luc? Oui, t'as pas fait la liaison. Non, mais c'est Jean-Marc. Jean-Marc, t'as pas fait la liaison. C'est Jean-Luc. Jean-Luc, t'as pas... En fait, ouais, t'es n'importe qui. Vous avez pas... Il y a pas eu de liaison. Mais non, parce que la liaison est trop appartenant. Non, il n'y a pas de liaison là-dessus. Oh, alors donc, on doit commencer. Non, on doit continuer. Alors, encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Ah, il y a une liaison, là. Oui, on s'excuse infiniment. On peut recommencer. On peut continuer. On continue. On continue. On continue habillé. OK, continue. Nus, habillé, nus. Ah, on a compris. Oui, non, mais pas tout le monde, hein. Il y a Rita Bibelot qui cherche encore. Mais oui, Marlène m'a demandé saucisse à sauce spaghetti. Tu sauces sa sauce à spaghetti. Ben, moi, dis sauce. Ah, mon doux. Et puis, quand t'as sauce, j'ose. OK, quand t'as le sauce, tu oses. Ben, j'ose y goûter. Et puis, ça goûte très bon. J'espère que ça mijote depuis à peu près 48 ans. Non, 47. 47 ans! C'est bon, hein? Plus ça mijote, plus c'est bon. Plus c'est bon, plus ça mijote. Oh, mon dos. Alors, l'air en Sénadienne, plus ça mijotera, plus ce sera bon. Encore et en... Hey, c'est bon, hein? On peut-tu y goûter? On peut pas. OK. Encore. C'est trop chaud. OK. Comment ça, je suis trop chaud? Non, elle est trop chaude. Oh, la sauce. Oh, j'ai chaud, moi, là. T'es chaud? Non, j'ai chaud. Jean-Marc, as-tu quelque chose pour nous autres? Libérons-nous de sous ces impromptus et des gens qui ne cherchent plus qu'à nous confondre à travers toutes ces voluptés étrangères et autres. Mais là, continue. OK, merci. Alors, encore et encore, replaçons les pendules à l'heure, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré, relatons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. Et puis ici et maintenant, là, c'est Julien Quiric. Julien Quiric qui habitait, bien sûr, dans l'Alpe Ricaine. Voyons, non, l'Alpe Ricaine. Est-ce que je peux voir ça sur Google Maps? Ben oui, l'Alpe, A-L-P-E, oui, Ricaine, A-R-I-C-A-I-R-E-R-I-N-D-R-I-N-D-R-I-N-D-R-I-N-D-R-I-N-D-R-I-N. Allô, ça sonne, allô? Allô, ça va bien? Oui, mais toi? Ben moi, ça va très bien. Écoute, tu nous as appelé? Oui, mais toi? Ben moi, non, je t'ai pas appelé, mais j'ai répondu. L'Alpe Ricaine, là, on sait pas où c'est, mais toi, t'es un être très brillant, très intelligent. Oui, mais toi? Moi, non, ben écoute, je sais pas, là. J'ai pas réussi mon cours de biologie 408 quand il voulait savoir comment l'abeille fait pour voler quand elle n'a pas d'ADN sous la main, là. C'est pas des mains, comment tu appelles ça, là? C'est des pattes, t'appelles-tu ça des pattes, toi? Oui, mais toi? Ben moi, j'appelle ça des... Je sais pas, c'est des tiges, là, puis... je sais pas, des tiges remplies de choses étranges. C'est de l'étrangeté, moi, dans ma vie. Toi, c'est comment, toi? Oui, mais toi? Ben oui, mais moi, c'est ça, là, puis... Je cherche pas, l'abeille veut pas voler parce que c'est trop lourd, hein? Quand c'est lourd, c'est quoi? C'est abondant, hein? Puis toi, comment ça va, toi? Oui, mais toi? Moi, ben, je sais pas, là, ça me semble aller bien, là. Mais hier au soir, je sais pas, j'ai rêvé que, tu sais, que Solange, là, tu sais, ta belle-fille, là, est venue me voir, puis elle m'a dit, comment ça va? Puis là, elle m'a répondu comme tu me dis, là. Oui, mais toi? Ben, moi, je sais plus. Thank you. Yann, avant de terminer, j'ai 10 questions fondamentales que j'ai posées à plusieurs artistes depuis mon arrivée en France. Et tu réponds comme tu sens. OK? Alors, je te propose 10 questions qui te métamorphosera en une multitude de variantes si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide, ah, alors attends, ça me plaît. J'étais un liquide. Ouais, en même temps, je pense qu'il y a vraiment plein de choses. Un liquide, hein, ça peut être une boisson, ça peut être. N'importe quoi, un liquide. Il faut que ce soit liquide. Ah, moi je dirais une bonne bouteille de Bordeaux. OK. Rouge ou blanc? Rouge, bien sûr. OK, excuse-moi. Hey, mais imagine-toi que Dreyfus m'a répondu au titre du rouge. Ouais, alors, vous êtes dans le rouge. Bordeaux 91, on va dire. Bordeaux 91. OK, bon. Alors, ça coûte à peu près? Bon, ça dépend lequel. OK, mais Bordeaux 91. Ah ben, Bordeaux 91, allez, en mes russes, je veux dire, voilà, un petit Bordeaux à 200 euros. Quoi. Voilà. Oh, alors que tu t'offres à chaque semaine. Non, mais je suis un bon... je suis très... comment dire? J'aime le bon vin. Tu es épicurien. Je suis très épicurien. Mais tu préfères le vin au champagne? Oui, je ne bois pas de champagne. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas bien ces trois acides, mais... Ah. Non, je suis un très... Je dirais pas un connaisseur, mais je me débrouille pas mal. Ah, en champagne? En vin. En vin, OK, mais pas en champagne. Non. OK, à cause des bulles, sans doute. Peut-être. Ça fait fabuler. Alors, si tu étais, quoique la fabulation et l'artiste, on n'est pas loin, hein? Si tu étais une ville... Une ville? Une ville imaginaire ou une ville? Ben, une ville. J'ai pas pensé à imaginaire ou pas. Ah bah écoute, moi je dirais aujourd'hui Berlin. Berlin. Comme disait un chanteur, l'enchanteresse. Noir Désir parlait de Berlin, l'enchanteresse. Disons que si je devais me réinstaller ailleurs pour recommencer les choses, je pense que j'irais bien m'installer à Berlin. C'est très artistique. J'aime beaucoup l'énergie de cette ville, la créativité qui est très forte. Je trouve dans Berlin le Paris qu'on avait il y a 25 ans. OK. Ah oui, avec les artistes, voilà, avec les... Une ville où encore on se dit, tiens, on peut partir de rien et tout est encore possible. Ah, oh, OK. Ce qui n'existe plus dans beaucoup de villes. Alors, c'est une ouverture. Voilà. Berlin est une ouverture vers la création. J'ai fait un album avec Marie Modiano là-bas, qui est la fille de Patrick Modiano, l'écrivain. Oui. J'avais fait avec Toby Damit, l'ancien batteur de hip hop. Je vais voir les Stooges demain. Voilà. Bah, à l'Olympia. Le batteur avec qui j'ai fait l'album là-bas, c'est celui qui joue avec Jesse Evans en première partie. OK. Et donc, Berlin, j'aime beaucoup l'énergie de cette ville. C'est vraiment. Tout est. On sent de la créativité dans tous les coins de rue, on sent qu'on peut faire des choses, on sent quand même de l'art à tous les coins de rue, même si on ne le voit pas, on le sent. Oh, OK, alors donc ça... Bien que tu m'aurais posé la question il y a 15 ans, je t'aurais dit Montréal, parce que j'ai adoré Montréal. Mais t'as jamais passé à Québec? Comment? La ville de Québec? Si, je connais, j'ai fait plein de villes, hein. j'ai fait Québec... Québec? Ben, c'était avec Carole. Avec Carole, toujours. Avec tous les artistes avec qui j'ai joué quand je suis venu à j'ai joué qu'à Montréal, mais avec Carole Laure, on a fait Chipotle, le tour du Québec, Calgary, tout ça, on a fait le tour, okay. Vancouver, tout ça. Alors t'as rencontré les gens folkloriques j'adore Montréal, hein. J'adore cette ville, hein. Et j'adore le quartier du Mainland. Oui. J'aime beaucoup ce quartier. Là, voilà, il y a une énergie qui me plaît beaucoup, quoi. Ça me rappelle un peu le East Village de New York, mais beaucoup plus accessible. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. Break the glad flag zone. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're going to rock around the clock tonight. We're going to rock, rock, rock till broad daylight. We're going to rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're going to rock around the clock tonight. We're going to rock, rock, rock till broad daylight. We're going to rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock.

était une langue. Une langue? Non, le français. Ah oui, ok. C'est pourquoi? Parce que je trouve que c'est une des langues les plus poétiques. Mmh. Parce que je trouve qu'avec le français, c'est la seule langue où on ne peut pas dire n'importe quoi. Oh, c'est vrai. Il y a une exactitude dans la langue française. Que... Alors que je trouve que l'anglais, c'est vrai qu'il est une langue chantante, mais je veux dire... Ça peut être impersonnel, l'anglais. Quand on écrit en français, on est obligé d'écouter les textes. Ah, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas trahir. On ne peut pas trahir. Mmh. Et je trouve que... voilà, je trouve que quand même... Les écrivains qui m'ont le plus marqué quand même, bon, bien que ça m'empêche pas d'aimer certains écrivains américains de la Beat Generation et tout ça, c'est quand même, je trouve que moi, ceux qui m'ont le plus touché sont quand même les écrivains français. Et le Québécois Jack Kerouac. Voilà, oui, oui. Mm-hmm, ben voilà, oui. Mais on est... Si tu étais une époque... Alors, je dirais deux époques. Oh, oh, ben ouais, tu peux tricher. J'aime à la fois... J'aime la fin des années 50 pour le précurseur, pour le début du rock'n'roll. Ok. Pour là où on... C'est-à-dire que pour toute la période pré-Beatles, c'est-à-dire le début des précurseurs, des grands rockers, de Belvis, de Johnny Cash, de toute cette scène-là, pour toute cette, pour l'arrivée du rock'n'roll. Et après, je te dirais 1967. Pourquoi t'es né en 67? Non, mais parce que 67. Ouais, oui, je suis né en 67. Mais parce que je ne dirai pas mon âge à la radio. Non, non, non. Et je suis beaucoup plus jeune. Hein. Ben je suis né en 89. Ah ben oui, voilà. De la dernière pluie. Voilà. Et donc, non, parce que c'est quand même l'arrivée de grands chamboulements musicaux, où tout d'un coup on s'est permis en studio de prendre des plus grands risques, de faire plein de créativité, de toute la nouvelle scène qui allait arriver jusqu'à 72 et de toutes les grands disques qui ont marqué l'histoire de la musique sont arrivés dans cette période. Lesquels? Bah, que ça soit... Les Rolling Stones? Non, oui, non. Aussi, mais je te dirais aussi bien toute la période Beggars Banquet des Stones, je te dirais des Beach Boys pour Pet Sounds, Hendrix, Cream, les Beatles, Sgt. Pepper, c'est psychédélique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les grands classiques, pour moi, sont arrivés à cette... En une année, il y a eu plus de grands disques en une année qu'en 20 ans. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et donc toute cette scène. Alors en 67 puis, précisément. Disons qu'on va dire 67-69, c'est-à-dire tout. Et puis tout d'un coup, la révolution sexuelle, la liberté, tout le. Peace and Love, Woodstock. Oui, bien que moi j'ai jamais été côté Peace and Love hippie, mais cette notion de liberté. Quoi qu'il y a les cheveux longs comme moi, là, oui, mais on a. C'est côté artistique, voilà. Les cheveux longs. Ce que je veux dire, c'est que c'est le côté de la liberté, quoi. De liberté que tout d'un coup. C'est encore une des dernières époques où les gens faisaient de la musique, faisaient des choses sans se soucier. Osaient et se disaient, bon, un peu turonné, mais sans se soucier de demain, de se dire d'en faire carrière, se disant que peut-être que dans un an tout sera terminé. C'est un peu punk aussi, on ne pense pas au lendemain. Ouais, mais le futur. Ouais, nos futurs. Ouais. Mais sauf que chez les punks, c'était un nos futurs plus radical. Et puis même encore aujourd'hui, quand tu vas voir, excuse-moi, les Stooges, c'est toujours encore ce côté-là radical. No Future chez les punks, c'était plus une constatation parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Parce que le No Future chez les punks, c'est parce qu'il n'y a plus de place pour le rêve, vivons présent, parce que de toute manière, la société est foutue. Oui, effectivement. C'était une plus puis une ils ont de plus en plus raison. Voilà, et parce que, tandis que en 67, c'était plutôt, on essaye de faire une autre société. Encore. Why don't you take my hand?